Chapitre 99. La recommandation de commencer par la droite et d'utiliser la droite dans tous les actes honorables, comme pour accomplir les petites et grandes ablutions, le tayammum, pour s'habiller, chausser des sandales et des roufs, chaussettes en cuir, mettre un pantalon, entrer à la mosquée, utiliser le siwak, bâton tiré d'un arbuste et servant à se frotter les dents, mettre du noir aux yeux, kohl, se couper les ongles, se tailler la moustache, arracher les poils des aisselles, se raser la tête, effectuer la première salutation à la fin de la salat, manger et boire, serrer la main, toucher la pierre noire, sortir des toilettes, prendre et tendre quelque chose, ainsi que tout autre acte de ce genre. À l'inverse, il est recommandé de commencer par la gauche dans les actes qui sont à l'opposé de cela, comme le fait de se moucher, cracher en le faisant sur la gauche, entrer aux toilettes, sortir de la mosquée, enlever rouf, sandales, pantalons et vêtements, se nettoyer les parties après avoir fait ses besoins, ainsi que tout autre acte de ce type. Allah Ta'ala dit quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. Sourate 69, verset 19. Les gens de la droite, qui sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Sourate 56, verset 8 et 9. 721. Aïcha, radiyallahu anha, a rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, aimait commencer par la droite en toutes choses, dans ses grandes et petites ablutions, pour se peigner les cheveux ou mettre ses sandales. Al-Bukhari et Muslim. 722. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, utilisait la main droite dans ses grandes et petites ablutions et pour manger, tandis qu'il utilisait la main gauche pour ses besoins naturels et les choses de ce genre. Hadith authentique, rapporté notamment par Abu Daoud avec une chaîne isnad authentique. 723. Atiya, radiyallahu anha, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant le lavage de la dépouille mortelle de sa fille Zainab, radiyallahu anha, leur ordonna: commencez par son côté droit et les parties que l'on lave lors des ablutions. Al-Bukhari et Muslim. 724. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous se chausse, qu'il commence par le pied droit, et lorsqu'il se déchausse, qu'il commence par le pied gauche. De cette façon, le pied droit sera toujours chaussé en premier et déchaussé en dernier. Al-Bukhari et Muslim. 725. Selon Hafsa, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, utilisait la main droite pour manger, boire et s'habiller, et la gauche pour le reste. Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres. 726. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque vous vous habillez et lorsque vous effectuez vos ablutions, commencez par la droite. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi d'après une chaîne isnad authentique. 727. Anas radiyallahu anhu rapporte: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Mina, il se dirigea vers Al-Jamra sur laquelle il jeta les cailloux, l'un des rites du pèlerinage le jour de l'Aïd. Il regagna alors son campement, toujours à Mina, où il sacrifia une bête. Il dit ensuite au coiffeur: « Rase ici », en lui indiquant d'abord le côté droit de sa tête, puis le gauche. Il distribua alors ses cheveux aux gens. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, après avoir jeté les cailloux sur Al-Jamra et sacrifié son offrande, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, présenta le côté droit de sa tête au coiffeur qui le lui rasa. Puis il appela Abu Talha al-Ansari, radiyallahu anhu, et lui donna ses cheveux. Il présenta ensuite le côté gauche de sa tête au coiffeur en lui demandant de le raser, et donna de la même manière ses cheveux à Abu Talha en lui disant « Distribue-les aux gens ».